bienvenue à votre podcast du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy. Allô, allô, bienvenue au Lobster 137.0. On voudrait que ça gronde, sans agiter ses ailes. Voici le nouveau monde, des combattants virtuels. Welcome sur le forum de révolution.com. De l'action par email, des pavés en pixels. La souris se déplace, elle se bouge à ta place. L'oxygène en stock, et puis changer le monde sans changer d'univers. L'international piégé dans la toile, c'est quoi l'action par email? Des molotovs en cocktail, la souris se déplace, elle se bouge à ta place. Le Lobster 137.0, un lobster d'automne. Comment ça va? Moi, ça va bien. Et pourquoi ça a été aussi long avant un nouveau lobster d'après vous? Et je pense que vous vous en doutez, c'est quoi le problème? Et oui, Starfield, oh là là, j'ai joué beaucoup à ce jeu de Bethesda là, qui vient de sortir, dont j'avais fait la chronique dans un précédent lobster. Donc, fini la console Atari, fini d'essayer de finir le jeu Pitfall. La console a pris le bord la journée où j'ai acheté Starfield. J'ai joué un bon 50 heures à Starfield depuis le dernier podcast et pour moi, c'est un bon jeu, peu importe les bonnes ou mauvaises critiques là, qu'on a pu entendre un peu partout. Moi, j'ai eu le temps de me faire ma propre idée et j'adore ce jeu. Je l'ai même acheté une deuxième fois pour un de mes garçons. Je lui ai dit qu'il fallait qu'il joue à ça. Et bonus, pour un jeu de cette taille qui est en début de parcours, ben, j'ai pas pogné à date de gros bugs dans le jeu. J'ai eu un problème d'ascenseur dans une mission. Là, l'ascenseur fonctionne pour monter, mais quand on veut repartir, ça descend pas. Donc, faut utiliser comme le mouvement rapide pour se téléporter plus loin, mais bon. Donc, rien de trop problématique, qui en plus s'est résolu quand j'ai eu terminé la quête qui était associée à ça. Donc, on peut jouer puis apprécier ce jeu sans se casser la tête avec les bugs de début de jeu. C'est ça pour mon cas. Le jeu il est immense, puis je vous dirais que j'ai commencé à vraiment l'apprécier après une vingtaine ou une trentaine d'heures, quand j'ai commencé à avoir des nouveaux vaisseaux, que j'ai compris le système d'avant-poste comme il faut sur les planètes. Il y a certains skills qu'il faut monter pour avoir plus d'avant-poste. Bref, quand on comprend bien, évidemment, c'est plus fun. Et bon, ce qui a amené que j'adore le jeu, c'est que je me suis trouvé un bon fusil de sniper. Moi, j'adore tirer les gens ou les monstres à distance. Donc, c'est pas mal ça. Sinon, je me suis aussi trouvé un bon sabre de samouraï quand je veux combattre un peu plus rapproché. Donc, vous voyez, il y en a pour tous les goûts. Moi, pour l'instant, je joue à la difficulté difficile. Le jeu, si on le laisse par défaut, c'est normal. Mais pour l'instant, je joue à difficile. Sauf dans les missions où on doit se cacher, là, faire du stealth. Souvent, moi, je passe en très facile car sinon, je suis pas assez bon puis je dois recommencer plusieurs fois. Donc, ça ne m'amuse pas. Donc, pour les missions de furtivité, je retire la difficulté. Mais sinon, pour 99% du jeu, je joue à difficile. Question d'avoir un bon défi tout le temps. Parce qu'à difficile, si je fais pas attention, eh bien, je meurs. Donc, c'est plaisant. Et pour l'instant, j'ai encore une bonne partie de l'univers qui est inexploré. Il y a des niveaux sur les planètes. Le niveau des planètes, il augmente plus on va loin. Puis quand j'ai tenté d'y aller, je pense que j'ai tenté d'aller sur une planète de niveau 45. Je me faisais tuer trop facilement. Donc, je vois qu'il y a encore beaucoup de défis à venir. Là, il y a des planètes... Là, je dis que j'ai voulu aller sur 45, mais on peut se rendre à, je pense que j'ai vu des planètes jusqu'à 65. Je ne sais pas s'il y en a des plus difficiles. Donc, moi, je vous invite à y jouer et à vous faire votre propre idée. Moi, j'ai en ce moment deux missions qui sont préférées. C'est la mission du Mantis. C'est un genre de justicier disparu qui s'attaquait aux pirates. Et on peut comme trouver son stock puis devenir le justicier, là, mais je vous raconte pas tout, mais c'est un peu ça. Puis, il y a une mission de trésor à retrouver. Oh là là, la récompense est immense si vous trouvez cette mission-là. Donc, voilà. Mais bon, cette semaine, c'est pas ça le sujet du podcast. Non, cette semaine, je vais vous parler de ma nouvelle passion qui explique aussi un peu pourquoi le podcast prend du temps à sortir. J'ai débuté des cours de piano et je suis obligé de pratiquer dans mes temps libres si je veux que ça mène à quelque chose. Donc cette semaine, j'ai plein de choses à vous parler sur le piano. Je vais vous parler de Mario aussi, après la pause. Mario, c'est qui? Bon... C'est le déménageur qui est mort en m'amenant à la maison un piano qui a plus d'un siècle. Donc, on part en musique, puis au retour, je vous parle de ma nouvelle passion, le piano. Et bien sûr, on rendra hommage là, à Mario, le déménageur qu'on a perdu durant le déménagement. Voilà, bonne musique. On n'est jamais trop vieux pour se lancer des nouveaux défis. J'ai toujours voulu jouer d'un instrument de musique. Bon, j'ai déjà essayé d'apprendre la guitare, mais ce fut sans succès. Il semble que le talent, bon, pour cet instrument, y est génétiquement allé à mon frère. Pour la flûte à bec, ben, je suis resté bloqué sur une chanson de Céline Dion, là. Et je m'en suis jamais remis. Mais, bon, je ne sais pas sous quelles circonstances dernièrement, j'ai décidé de m'inscrire à des cours de piano. Pour vrai, je ne me souviens pas ce qui m'a décidé à me chercher un professeur. Sûrement que je devais être en train d'écouter une vidéo de nain faisant des pirouettes dans un cercle sous une jolie mélodie d'un pianiste qui m'a probablement rappelé que c'était encore le temps pour moi là, d'aller suivre des cours. Donc, je me suis trouvé un professeur qui habite pas trop loin de chez moi, mais en fait à côté. C'est peut-être ça le déclencheur aussi. Moi, j'habite dans un quartier où les rues commencent par P et ma professeure habite dans mon quartier. Sa rue commence par P aussi, juste pour vous dire comment elle habite proche. Donc, tous les jeudis à 8h, je pars en marchant. J'ai rendez-vous chez elle pour 30 minutes. C'est comme ça que j'apprends le piano. Au début, ben, je me disais 30 minutes par semaine, est-ce que ça va être suffisant? Eh bien, oui! Je dois vous avouer que quand je ressors de là, je suis épuisé. J'en suis présentement à 4 cours de fin et chaque fois, ça me demande le 100% de mes capacités intellectuelles. Sans blague, c'est quand même assez difficile. Premier cours, je devais déjà jouer 3 chansons avec 2 mains. Après m'avoir expliqué les concepts pendant 10 minutes, là, le professeur est tombé direct dans l'apprentissage des chansons avec moi pour me dire qu'est-ce que je devais pratiquer chez moi. Et pour débuter, quand même, la chanson « L'hymne à la joie » de Beethoven, en version débutant, évidemment. Ma main gauche fait toujours les deux mêmes notes pour commencer, puis la main droite, elle, se promène. Mais comme première chanson, je suis content de commencer quand même avec du Beethoven. Je vais m'en souvenir toute ma vie. Ça fait quand même sérieux. Voici qu'est-ce que ça donne là, après 3-4 cours. Ensuite, la deuxième chanson que j'ai eu à apprendre, ça s'appelle « La balançoire ». Encore là, c'est pas trop difficile, là. C'est juste de jouer les notes une après l'autre. Il n'y a rien de difficile, on l'écoute. Donc, de retour chez moi, après le premier cours, j'ai quand même rapidement là, maîtrisé ces deux chansons. Au deuxième cours, j'ai eu des gommettes sur mes partitions. Et oui, c'est un vrai prof, là, il me donne des gommettes si je réussis mes chansons quand je reviens lui présenter. Donc, j'ai eu une gommette de tortue pour l'hymne à la joie, puis un genre de mandala rouge pour la balançoire. Mais pour la troisième, l'aube du vieux moulin, j'ai pas réussi à la maîtriser la première semaine. Mais c'est pas grave, le but de la première semaine, c'était que mon cerveau y reconnaisse les notes sur la partition. Car là, c'est vrai, là, j'apprends pour vrai, on n'essaye pas juste de faire du bruit sur un clavier comme je faisais avant. Là. L'objectif, c'est de lire une partition de musique, là, n'importe laquelle, puis de pouvoir la jouer. Bien sûr, on commence avec ce qui est facile, mais à chaque fois, elle ajoute des choses. Du côté des notes et des doigts, je suis quand même heureusement surpris. Ce côté-là, ça va bien. Après 4 cours, mon cerveau commence à s'habituer. Je sais pas si c'est parce que je maîtrise déjà le clavier sur l'ordinateur, mais j'ai pas besoin de regarder mon clavier de piano. Je me concentre sur la partition de musique et mes doigts et mon cerveau se sont pas mal coordonnés pour jouer ce que je vois. Donc, ce côté-là va assez bien. Mais ça va quand même vite dans les cours de piano. En passant, c'est combien que ça coûte? Eh bien, ça coûte 24$ du 30 minutes pour mes cours de piano. Donc, dès le deuxième cours, ma prof a rajouté de la difficulté. Au départ, je jouais des partitions qui utilisent que 5 notes, do, ré, mi, fa, sol. Ça, c'est quand même facile, on a 5 doigts, donc chacun avait sa note. Mais là, à partir du deuxième cours, on rajoute la et si, donc ça se complique, on doit bouger la main. Donc, pour commencer, mon petit doigt de la main gauche ou droite doit parfois aller jouer plus haut, plus bas. Mais ça va. En passant, je suis quand même plus habile de la main gauche, puis ça me surprend, parce que moi, je suis droitier. Mais j'ai plus de misère à monter du côté droit que de descendre à gauche. Je ne sais pas s'il y a une explication scientifique à ça, mais la synchro est plus facile à faire à gauche dans mon cerveau. Autre difficulté qu'on doit maîtriser quand on lit des partitions de musique, qui n'est pas évident, c'est qu'il y a 2 partitions à lire en même temps. La partition du haut est ta partition pour ta main droite, puis celle du bas, ta main gauche. Puis si le morceau est le moindrement difficile, ben ça prend de la pratique. Donc, c'est pour ça qu'un pianiste pratique, là, ben c'est comme ça pour tous les instruments. Jusqu'à temps que ça devienne naturel, puis que tu maîtrises le morceau. Mais ce que je trouve difficile, c'est que pour l'instant, ma portée pour ma main droite, c'est présentement en clé de sol et celle de ma main gauche en clé de fa. Donc, c'est quand même un bordel là, dans mon cerveau, ce détail. Ça veut dire qu'un do sur une clé de sol, il n'est vraiment pas à la même place sur la partition si c'est une clé de fa. Donc, tout dépendant de la clé au début de la partition, le cerveau il doit reconnaître les notes sur les 2 partitions en même temps et dire au bon doigt de chaque main quoi faire. Bon, habituellement, quand la prof me présente des nouvelles choses comme ça dans le cours, ben mon cerveau il chauffe parce que je trouve ça assez difficile. Mais à force de pratique, ben on y arrive et ma professeure m'a averti. On essaye de ne pas écrire sur la partition de chiffres pour dire quelle doit prendre. C'est pas comme ça qu'on apprend. Le cerveau doit vraiment lire la partition et les doigts la jouer. Parfois, pour les morceaux qui sont quand même plus difficiles qu'elle me donne, elle écrit la note et le doigt qui va la jouer, mais ça, c'est juste à certaines place spécifique. C'est pour un bout difficile, puis elle veut être sûre que quand j'arrive à la maison, je fais la bonne chose. Par exemple, quand je dois passer un doigt par-dessus un autre pour me déplacer, bien on l'écrit, car sinon rendu à la maison, je me souviens plus, je peux jouer deux doigts deux, puis passer mon pouce par-dessus, donc au moins c'est écrit sa partition, je suis capable de pratiquer correctement. Donc, deuxième cours, j'ai eu une nouvelle chanson à apprendre. Ça s'appelle « Promenade dans le parc ». On l'écoute. Voilà pour Promenade dans le parc. Vous voyez, parfois, j'ai des petits des moments qui sont plus longs ou parce que la chanson doit couler, là, elle doit tout le temps suivre le même rythme. Mais bon, je suis encore en train de réfléchir dans mon cerveau. Des fois, ça me prend une demi-seconde de plus à placer mes doigts à bonne place. Donc, c'est pour ça qu'il y a des petites pauses. Mais ça, bon, avec le temps, ça va se placer. Voilà, donc après le deuxième cours, où tout avançait bien, ben j'ai eu une révélation. Bon, Fred, t'as pas de piano, puis tu as un cours de piano. Ouais. Jusque-là, je pratiquais sur mon orgue des années 50 au garage, ou sinon dans la maison sur un clavier qui sonne comme un piano, ou ben j'utilisais mon clavier MIDI avec l'ordi pour reproduire un piano de concert. Mais tout ça, c'est pas pantoute la même chose qu'un piano acoustique, non, c'est pas la même sensation. J'ai donc décidé de regarder combien ça coûtait un piano, puis c'est là que Mario, le helper de mon déménageur, va bientôt entrer en scène pour jouer son rôle avec toute la portion tragique que ça comporte. Donc, avant que je vous raconte l'histoire, on refait une pause musicale, puis promis au retour, on fait le point sur la vie et la santé de Mario, le déménageur. De retour dans ce Lobster 137.0 où je radote mes histoires de piano. Et oui, j'aime ça vous raconter mes histoires. Je sais pas, mais la moindre petite chose peut me prendre un 15 minutes à raconter. Mon cerveau y enregistre beaucoup trop de détails, mais bon, c'est moi. C'est un peu ça, le Lobster, l'histoire de ma vie. Donc, après mon deuxième cours de piano, j'ai réalisé que je m'étais inscrit à un cours de pour lequel ben, j'avais pas prévu le principal, l'instrument. C'est sûr que dans le nom du cours, il y avait un indice. cours de piano, mais bon, ça m'a pris 2 cours pour le réaliser. Puis sans blague, j'ai eu le même problème à l'université, ça m'a pris 30 jours avant de réaliser que j'allais devenir ingénieur. À un moment donné, dans un cours, un prof a dit « Quand vous allez devenir ingénieur? » Puis c'est là que le soir, j'ai appelé mes parents pour leur dire « Saviez-vous que j'allais devenir ingénieur? » Moi, je m'étais inscrit en informatique, mais d'ingénieur. Bref, des fois, sur des détails évidents, j'accroche pas. Mais revenons au piano. Après mon 2e cours, j'ai réalisé ce qu'il me fallait un piano. J'ai donc vérifié combien ça coûtait. Puis j'ai quand même été surpris de savoir que c'était gratuit. Et oui, c'est pas vraiment à la mode le piano, là. Trop de gens désirent se débarrasser de ces gros engins qui encombrent leur salon. Donc, ils les donnent. Sur Marketplace, en ce moment, il y en a plus de 10 à donner dans un rayon de 30 km là, autour de chez moi. Donc, j'ai innocemment cru que mon problème était réglé. J'ai fait un peu de recherche au travers des offres autour de chez moi, puis j'ai choisi celui qui me semblait le plus beau, qui était à mon goût. C'est un piano Len L.E.N, c'est le nom des créateurs. Donc, un piano Len Pratt qui était chez une vieille dame à environ 2-3 km de chez moi. C'est quasiment une voisine. Donc, j'ai appelé au numéro, puis son fils qui était en charge de mettre le piano à donner sur Marketplace pour sa mère m'a expliqué tout ça. Puis, il m'a rapidement mis en contact avec elle. Elle déménageait dans 7 jours, puis était rendue à envoyer le piano là, via GodJunk aux poubelles. Donc, immédiatement, le vendredi matin suivant mon cours du jeudi, j'ai pris contact avec la dame, puis le vendredi, je suis allé chez elle pour voir le piano. Bon, c'était une gentille dame de plus de 80 ans qui, suite à la mort de son époux, elle venait de vendre sa maison sur le bord de l'eau, puis elle devait tout vider. C'est pour ça qu'elle donnait le piano. Bon, elle m'a montré le piano, qui était tout beau, tout piano comme il était, mais bon, j'y connais rien. J'ai simplement dit, il me plaît, c'est parfait. Elle m'a offert de payer le déménagement au complet. Car elle devait le faire sortir de toute façon de la maison. Mais bon, j'ai dit non, je vais au moins payer le déménagement. Finalement, on s'est entendu pour payer moitié-moitié là, pour la mort de Mario. Bon, en passant, pour déménager un piano, ça coûte combien? Eh bien, c'est 600$. Et oui, c'est pour ça que les gens qui donnent des pianos, ils spécifient qu'ils ne payent pas pour le déménagement, car c'est quand même assez coûteux. Mais avec la suite de l'histoire, vous allez comprendre pourquoi. C'est quand même une aventure épique de déplacer un piano. Et pour comprendre, il faut en savoir plus sur le piano. Bon, c'est quoi un piano? Techniquement, c'est une série de cordes qui sont tendues sur lesquelles des marteaux en feutre ils viennent frapper pour donner le son. Bon, vous avez tous vu une guitare, là. Les cordes sont tendues à l'aide de chevilles là, qui tournent. C'est comme ça que tu ajustes ta guitare. Un piano, c'est pas mal semblable. C'est des cordes qui sont tendues entre des chevilles qui, elles, sont en métal. Un piano, il comporte d'habitude 88 touches et 220 cordes. Bon, c'est facile à retenir. Moi, j'ai compté sur mon piano. J'ai 52 touches blanches comme d'un jeu de cartes. Puis le reste, c'est les noirs, les 36 autres. Bon. Et pourquoi 88 touches et 220 cordes? Pourquoi on a 2,5 fois plus de cordes que de touches là, si on fait le calcul? C'est qu'il y a des notes qui ont 3 cordes. Quand l'accordeur est venu chez moi, lui, il a ouvert le piano puis il m'a tout expliqué. Bon, ça, c'est toute une histoire aussi, là. Puis les 2 jours que l'accordeur a été chez moi, j'ai tout enregistré pour le Lobster. Donc, ça arrive, vous allez avoir un beau concert à la fin. Le son est bon. Donc, vous allez voir comment sonne mon piano quand une personne là, d'expérience joue dessus. Mais là, c'est l'heure de rendre hommage à Mario. Donc, je disais qu'il y a 88 touches puis 220 cordes. Pour certaines notes, le marteau, à l'intérieur du piano, il vient frapper sur 3 cordes qui sont tendues. Bon, d'après ce que j'ai vu quand le piano a été ouvert, dans les graves, le marteau il frappe sur une grosse corde de couleur cuivrée. Donc, c'est une corde en acier à l'intérieur qui est, puis autour, je crois que c'est du cuivre qui est entouré. Alors que pour les aigus, le piano il frappe sur 3 cordes plus petites qui sont aussi en acier. Et, pour chacune des cordes, ils ont chacune une tension d'environ 60 à 80 kg pour pouvoir résonner. Pour l'ensemble du piano, ça représente aux alentours de 18 tonnes de tension. Donc, en fonction de la hauteur du son, la corde est plus ou moins tendue. Donc, le détail important dans ce que je viens de dire, c'est qu'il y a 18 tonnes de tension. Donc, pour supporter ça, ça prend une structure qui est vraiment solide et c'est pas le bois du piano qui tient ça. Non, le bois, c'est décoratif. Quand on ouvre le piano, on voit le monstre. C'est le cadre en fond. Je vous lis une description là, qui explique bien ça. Si un corde de piano n'était qu'un dispositif permettant de supporter la tension des cordes, il suffirait qu'il soit résistant et robuste. Mais le corde affecte également le son en transmettant les vibrations des cordes. En d'autres termes, les propriétés qu'un corde doit posséder sont contradictoires. L'extérieur doit être dur tandis que l'intérieur est en quelque sorte souple. Bon, puis qu'est-ce qui répondait à ces caractéristiques? Eh bien, c'est la fonte. Bon, on ne rentre pas plus dans les détails, là, c'est pas important, mais tous les cordes tendues dans le corps en fonte et entourées de bois solide, eh bien, c'est pesant. Bon, demandez à Mario. Mario, regarde-moi dans les yeux, t'es capable. Bon, je viens de vous jouer une ligne de la pièce de théâtre « Mario déménage un piano ». La pièce complète arrive bientôt. Donc, en gros, mon piano, il pèse environ 1300 livres. Moi, quand j'ai appelé les déménageurs, je leur ai dit « c'est un gros piano, mais pour le poids, j'ai aucune idée. C'est un vieux piano, mais j'avais pas le poids. » Bon, ok. Deuxième question des déménageurs suite à ça, avant de me donner un prix, combien de marches à monter ou descendre pour leur sortir le piano puis le rendre? Donc, 8 à descendre chez la vieille dame de 80 ans gentille et 3 à monter chez nous. Troisième question, c'est-tu en ligne droite pour entrer puis sortir? Bon, oui, il y a une grosse porte double chez la dame, puis chez nous, tu arrives direct dans mon entrée. Ok, donc j'ai eu la réponse des déménageurs, on va venir chercher ton piano, c'est 450 plus taxes. Bon, j'ai demandé est-ce que je peux sauver les taxes si je paye cash? Et on m'a dit non, tu vas être content que j'aie des assurances si on échappe ton piano. J'ai donc dit c'est parfait, on se voit vendredi prochain. Donc l'affaire était dans le sac à part certains petits détails qui pour moi étaient sans importance mais qui au fil de l'histoire vont prendre de l'importance, vous allez voir. Bon, il y a l'alignement entre la porte puis la descente chez la vieille dame, ben pas 100% aligné là. Faut avoir les yeux un peu croches pour dire que c'est aligné. Bon, moi, j'ai calculé, il faut tourner un petit 30 degrés, je dirais. Mais pour moi, avec mon œil de lynx, je me suis dit que c'était quasiment une ligne droite. Puis pour le tapis, bon, pensez-vous que c'est un détail important? Moi, je ne sais pas. La gentille dame, de 80 ans, a du tapis à la grandeur du salon puis dans les marches qu'on doit emprunter. Est-ce que j'aurais dû le mentionner au déménageur? J'imagine que non, c'est des détails. Puis le boogie dans tout ça. Est-ce que vous savez c'est quoi? Bon, je vais vous en parler tout de suite du boogie. Moi, personnellement, je ne savais pas c'était quoi avant qu'une personne me crie dessus en disant « Vite, va chercher un autre boogie ». Bon, un boogie, comme dirait le patron de Mario dans l'urgence, c'est l'affaire qui roule. Donc, quand on déménage des gros morceaux, il y a une technique bien connue des déménageurs. Ils lèvent l'objet de quelques pouces puis le redéposent sur le boogie. C'est un cadre avec 4 roues qui est fait en bois solide sur lequel on dépose les objets qui sont beaucoup trop pesants pour 2 gars qui vont devoir le transporter. On le fait donc rouler. Bon, rouler, théoriquement, ça garde les gens vivants. Par exemple, un exemple au hasard. Mario, le déménageur, le soir, là, il rentre à la maison, puis lui, il veut pouvoir jouer avec ses enfants s'il y en a. Et le boogie qui roule les gros objets lui permet de rester en vie et en forme. Puis c'est là, en parlant de boogie qui roule, que le détail du tapis brun à long poil prend son importance. Si par exemple, aujourd'hui, vous rencontrez un déménageur qui se nomme Mario et vous lui demandez « Mario, est-ce que tu sais si un boogie roule sur du tapis brun à poil long? » Eh bien, il va vous répondre sans hésitation « Non ». En fait, oui, sur un plan horizontal, oui, quand tu pousses fort, ça finit par rouler. Mais rendu dans les marches, non. En plein incliné, non. Dans des marches à 45 degrés, le boogie bloque. Et c'est un peu de la merde. À la rigueur, si vous demandez à Mario, il va quand même vous dire que c'est dangereux. Bon, il y a quand même beaucoup de facteurs qui font que c'est dangereux en fait. Je dirais que c'est un ensemble de facteurs qui font que le monde du déménagement, c'est un monde de risque. Moi, je ne suis pas déménageur, mais j'ai remarqué que ce n'est pas des grosses équipes, on dirait. Ceux que j'ai appelés sur mon île, pour encourager une compagnie locale, ils sont juste 2. Bobby, le patron, puis Mario. Ok, oui, ce sont 2 gars forts, mais quand j'ai vu Bobby, le patron, puis Mario tâter le terrain avec le piano pour la première fois à leurs arrivées, j'ai eu des doutes. Bobby a dit « ça va être incapable, celui-là ». Puis, Bobby m'a confirmé à la fin du déménagement que c'était l'un des trois objets les plus gros qu'il avait jamais déménagé de sa vie et qu'il ne m'oublierait pas. Donc, Bobby, le patron de la compagnie, et Mario, son helper, ils sont arrivés vendredi après-midi chez la vieille dame de 80 ans gentille, où on les attendait. Bon, ils m'avaient appelé en partant de Valleyfield, où ils terminaient, eux, un déménagement. Ils m'ont dit « on s'en vient ». Bon, puis nous, en attendant la grosse équipe de déménageurs, ben, la dame m'a fait visiter sa maison. Elle avait une belle maison sur le bord de l'eau à l'île Perrault, avec en plus une plage là, en sable qui est privée. C'est quand même incroyable. Là. Moi, je fais du kayak autour de l'île, puis je vois quasiment jamais de plage de sable. Là. Il y en a une au moulin au bout de notre île, puis le reste, c'est un peu de la rocaille. Là. Il y a toujours de la roche. Bref, la dame avait une belle maison avec sa plage privée. Bon, puis elle m'expliquait aussi que son époux collectionnait les antiquités. Je suis allé chez elle trois fois en tout, là, car elle voulait me donner plein de choses durant la semaine. Elle avait des rouets anciens à donner, là, trois vieux rouets comme ma grand-mère avait pour tisser la laine. Mais bon, j'ai résisté à la tentation de les ramasser. Là, j'essaie de plus accumuler de cochonneries, même si je savais que je pouvais les revendre là, en deux secondes chez un antiquaire pour 50 pièces chacun là, pour une vente rapide. Là, mais non. J'ai résisté, puis je lui ai dit de les donner à des gens qui apprécieraient l'objet. Moi, j'avais pas d'utilité pour ça. Non, en fait, j'étais retourné chez elle, car elle voulait aussi me donner des armoires étagères qu'elle avait. Mais bon, en allant les voir, j'ai réalisé que c'était trop gros pour chez nous. Elle avait aussi une immense statue à me donner. C'est une genre de dame qui lance du blé avec son enfant dans un landau à ses pieds. Là. Une immense statue dans son entrée de maison qui était faite en plâtre. J'aurais aimé la garder pour la mettre dehors au chalet au Saguenay. J'aurais pu la recouvrir d'époxy là, pour la rendre imperméable. Puis on aurait pu la mettre dans le vignoble. Mais bon, bref, c'était un peu trop compliqué là, à transporter. Là, c'était plus haut que moi. Donc, de retour à Mario et au déménagement. Bon, ça y est, on va essayer de le déménager, ce piano. Donc, allons directement au vif du sujet. Le piano, lui, a bien été enveloppé dans des grosses couvertes. Il est maintenant sur le bouguet. Vous savez c'est quoi un bouguet. Donc, piano, bouguet, les roues qui roulent. Bon, Bobby et Mario, ils ont poussé le piano jusqu'aux marches et l'ont positionné directement en ligne avec l'escalier recouvert de tapis brun. En haut de l'escalier, il y a Mario. Mais aussi la gentille dame âgée qui, avant que débute la manœuvre, elle a dit « Si ça vous dérange pas, je regarderai pas, je suis nerveuse. » Et Bobby de répondre « Encore confiant à ce moment, ne vous inquiétez pas madame, ça va bien aller. » Ouais. Bon, moi, vous vous souvenez, je vous l'ai déjà dit plus tôt, j'ai réalisé un jour en faisant mes études à l'Université de Sherbrooke que j'allais être ingénieur à la fin de mes études. Puis durant mes études, où on passe là, au travers du tronc commun des études d'ingénieur, où on touche à tout, là, on touche à ingénieur civil, mécanique, électrique, etc., ça nous permet de confirmer ce qu'on aime, bon, informatique dans mon cas, eh bien, jamais, je vous le dis, jamais durant toutes mes études, il y a des questions de déménagement. Non, rien. Moi, je suis nullement qualifié pour être déménageur. Mais étrangement, en ce vendredi fatidique, j'étais rendu avec un rôle dans le déménagement. Bon, c'était pas un grand rôle. Si on fait une comparaison là, avec le cinéma, je dirais que j'avais un rôle de figurant qui parle pas. C'est mon rôle de départ. Parce que Bobby m'avait demandé de me mettre debout sur la rampe qu'il avait apportée. Car comme il y avait comme l'angle de 30 degrés que je vous disais, que je n'avais pas vraiment mentionné, puis que le piano allait devoir tourner après sa descente, Bobby avait placé une rampe en métal sur l'avant-dernière marche qui mène vers la porte pour pouvoir tourner. Le plan, c'est que le piano descende lentement, et que le boogie arrive sur la rampe en métal, et roule jusqu'à la porte. Ça, c'est le plan de départ. Bon, on le sait déjà, ça ne se passera pas comme ça. Non, mais bon. Je vous parle de mon rôle. Bon, moi, mon rôle, c'est être debout sur la rampe. Car malheureusement, comme la marche où c'est posé n'est pas de niveau où ça atterrit et que c'est un peu croche, ben ça tient pas très bien. Donc, Bobby veut que je sois debout dessus pour la tenir en place, pour que ça ne bouge pas. Donc, c'est parti. On est prêt. On bouge le piano. Donc, la vieille dame, telle que prévu, regarde ailleurs. Car vu ses 80 ans passés et son expérience de la vie, elle a déjà par instinct compris que ça ne marchera pas. Deux gars, un piano de 1300 livres, un boogie qui a déjà prouvé qu'il ne roule pas vraiment à l'horizontale sur le tapis brun, un plan incliné en tapis, tout ça ensemble égale échec. Donc c'est parti, et mon rôle dans l'histoire, vous allez voir, il va se modifier rapidement. Il faut suivre comme il faut. Au départ de figurant non parlant, dès les premières secondes de la manœuvre, je vais obtenir un nouveau rôle. Et oui, sans blague, on a passé proche d'une catastrophe. Donc, le piano a bien été poussé par Mario vers Bobby, qui l'attend en bas des marches, et le boogie a évidemment bloqué dès la première marche. Et à ce moment, Bobby a dit à Mario avec urgence, « Lève, c'est bloqué ». Car le danger avec un piano comme ça, c'est que le piano chavire sur le côté ou bascule en roulant vu que le devant milieu est pris. Bon, et qui est bloqué en bas du piano à tenir seul 1300 livres? Eh bien, c'est Bobby, le patron, et à côté, sur la rampe chambranlante, c'est le figurant, c'est moi. Donc, à partir d'environ la dixième seconde de la manœuvre où le piano est dangereusement bloqué, mon rôle de figurant non parlant a changé pour figurant parlant. C'est là que Bobby m'a crié « Vite, va chercher un deuxième boogie dans le camion. » Moi j'ai répondu « C'est quoi un boogie? » Bobby de répondre « C'est l'affaire roulant. » Parce qu'à ce moment-là, je savais pas c'était quoi un boogie. Donc, je suis parti à ce moment en courant vers le camion. Sans blague, j'ai couru immédiatement, ça m'a pris 15 secondes maximum, j'ai sauté dans le camion vert, j'ai attrapé le boogie et je suis revenu en courant où, de loin, j'entendais Bobby qui criait après moi « Vite! Vite! » Bon, sans blague, il criait pour que je revienne au plus sacré. Quand je suis arrivé, bon, j'ai vu que la situation avait évolué. En seulement 15 secondes, Mario, qui au départ était en haut des marches, souriant et confiant, était rendu en bas, le visage tout rouge, et essayait avec Bobby de retenir le piano. À ce moment, j'ai compris qu'on était dans le trou. On n'a pas eu besoin de rien me dire, j'ai sacré le boogie numéro 2 direct entre la rampe et le piano en me disant « Attention à tes mains mon homme, si lâche le piano, je perds un bras. » Bon, j'ai quand même bien positionné le boogie numéro 2 direct à la bonne place sur la rampe et immédiatement, j'ai attrapé le piano avec les deux autres déménageurs pour aider à le retenir. À partir de là, fini le rôle de figurant parlant, j'avais maintenant un rôle principal dans le film. Donc, ce qui s'est passé à ce moment, ça s'est fait en moins d'une minute, tout s'est quand même passé rapidement, c'est une question de secondes. Mario a lâché le piano, il est passé derrière moi, me laissant seul avec Bobby pour tenir 1300 livres de piano dans une pente à 45 degrés. Mario, d'un bond, est remonté en haut, je ne sais pas comment, il n'y avait pas de place pour passer, mais il est apparu en haut, je ne sais pas comment. Et pour débloquer le piano, Bobby a dit à Mario, on va le basculer cul vers le haut. Bon, une manœuvre de malade. On a donc fait rouler le piano vu qu'on ne pouvait pas le débloquer. Donc, le piano qui au départ était comme en 45 degrés, on a Mario l'a levé. Puis on l'a comme fait faire une rotation de 90 degrés en roulant. Et là, il a atterri sur mon boogie numéro 2 et on l'a fait rouler sur la rampe. Tout ça s'est fait sur 90-120 secondes maximum. Après ça, on a tous soufflé et c'est là que j'ai remarqué que malheureusement, Mario était mort. Et oui, il était tout rouge. Il a tellement fossé que son visage était rouge de sang. J'avais jamais vu ça. Il est resté comme ça jusqu'à la fin complète du déménagement. Puis c'était pas fini. Non, pas complètement. Les déménageurs, ils ont dû rouler le piano bon, jusqu'au camion, ici pas de problème. Ils l'ont monté dans le camion avec les affaires qu'ils lèvent. Ils sont venus chez moi, mais Mario, c'était fini pour lui. Bon, Mario, il respirait encore. Mais en dedans, c'était fini. Il était mort. Bon, rendu chez moi, j'ai dit aux déménageurs de reculer direct dans ma plate-bande de fleurs là, pour mettre la rampe direct sur les marches. Bon, il n'était pas question pour moi qu'on essaye de refaire monter trois marches au piano. Non, on avait déjà tué Mario dans les marches chez la dame. Pas question que j'y passe aussi. Mais là, Même avec le camion direct à la bonne hauteur, ils l'ont juste poussé jusque sur mon perron, il restait à soulever le piano de 6 pouces pour le step là, de la porte d'entrée. Mais c'est là que j'ai réalisé que Mario était vraiment mort. Bon, intérieurement, il avait cessé de vivre dans les escaliers chez la vieille dame. Il était incapable de soulever le piano de 6 pouces. Après 2 tentatives, c'est devenu évident, le piano ne bougerait plus de là, c'était fini, game over. J'allais devoir vivre avec un piano sur le perron de l'entrée. Mais, bon, c'est là que le vrai miracle est arrivé. C'est le moment lumineux de la journée. Je dis miracle, là, c'est peut-être un peu fort, mais c'était grandiose. Comme la journée là, où j'ai nourri un nain, je pense que c'est de ce niveau-là. J'ai vécu un des plus beaux moments d'amitié homme-homme. Bobby a regardé Mario et lui a dit « Mario, regarde-moi dans les yeux. T'es capable. Donne tout ce que t'es capable une dernière fois. » Bon, c'est textuellement ce qu'il a dit ou à peu près là, de ce que je me souviens. C'est le genre de phrase qu'on entend là, juste dans Independence Day, par exemple. Puis c'est là que j'ai compris que Mario y avait besoin d'aide. Bon, j'ai donc repris mon rôle dans le film là, du déménagement, puis je me suis mis à côté de lui pour l'aider à soulever le piano. Puis finalement, là, on a réussi à lever de 6 pouces pour le rentrer dans la maison. Et voilà. C'est comme ça qu'on a réussi à transporter le piano chez nous. Finalement, j'ai donné 600$ au déménageur. J'avais honte de moi d'avoir négocié le prix du déménagement. Là. Selon Bobby, c'est quand même l'un des 3 objets les plus pesants qu'il a transporté. Puis selon Mario, bon, qui était mort intérieurement, ben, c'est sa pire expérience de déménagement. D'après moi, avec le regard vide qu'il avait, ben, il a dû abandonner sa carrière de déménageur le soir même. Encore là, je sais pas trop comment vous décrire son regard vide. Je me souviens à Donjon Dragon qu'une fois, mon perso de l'époque, Solaris, avait combattu un monstre dans un cimetière. Je sais plus si c'était une goule, mais c'était un mort-vivant. Le genre de monstre qui te suce un niveau quand il te touche. Puis le DM, il m'avait averti. Si le monstre te touche, tu vas perdre un niveau. Mais moi, insouciant, j'avais continué la bataille au lieu de me sauver. Et bon. Arrive ce qui devait arriver, j'avais perdu un niveau. Et ça m'avait comme choqué. Je pense qu'à ce moment-là, quand le DM m'a dit « Solaris, tu perds un niveau », je me suis senti un peu comme Mario à la fin du déménagement. Remember all. Bon, de retour dans ce Lobster d'automne. Je viens de vérifier, puis la compagnie de déménagement de Bobby est toujours active, donc j'imagine que Mario s'en est remis. La morale de l'histoire, ben, il n'y en a pas, mais ce fut quand même un beau moment d'émotion. Puis grâce à ça, je suis déjà attaché à mon piano. Je vous l'ai dit, c'est un vieux piano. Il date, selon l'accordeur de piano qui est venu chez moi, de maximum 1906 ou avant. Il y a le numéro de série 1177, donc c'est le 1177e là, qui a été fait. C'est un piano québécois qui est fait à Huntingdon. Il était vendu au centre-ville de Montréal à l'époque. Ce piano est aussi listé sur le site du gouvernement. Il en existe un autre qui est semblable au mien, à l'église Unie, en tout cas, c'est une église au centre-ville de Montréal, juste à côté d'où je travaille. Puis ce piano-là, il est listé sur le site du patrimoine du Québec. Bon, les touches sont en ivoire d'éléphant, les touches noires sont en ébène, c'est quand même unique. Maintenant, c'est interdit d'exporter de l'ivoire au pays, ben, dans tous les pays qui ont signé là, la convention là-dessus. Donc, le piano, il pourrait même plus quitter le pays, j'imagine, là, à cause de ces conventions-là. Sinon, toute la structure de mon piano est recouverte de cœurs de bois de noyer. En fait, c'est un bois qui a été retiré d'une façon spéciale. C'est comme l'intérieur du bois qui a été déplié avec une machine spéciale. Je ne me souviens pas comment Yves, là, l'accordeur, il m'a dit, mais ça prenait une machine spéciale pour extraire le cœur de noyer, puis le dérouler, comme le plaqué là, qui recouvre mon piano. Bref, c'est extrêmement beau, même si le mien est abîmé à différents endroits. Bon, puis d'après la lecture que j'ai faite, ce serait un des meilleurs pianos faits en Amérique du Nord. Mais quand Yves est venu chez moi, là, l'accordeur, il n'y avait pas le même enthousiasme. Au départ, il me dit « on va voir si on peut le sauver ». Bon, il semblait quand même un peu excité, comme s'il embarquait dans une aventure. C'est ma professeure de piano qui m'avait recommandé cette personne-là. Au téléphone, déjà là, il m'avait paru sympathique et enthousiasmé quand je lui avais parlé du piano que j'avais acquis et que je voulais faire accorder. Donc, il est arrivé chez moi le vendredi passé, et en deux temps, trois mouvements, le piano était ouvert. Moi, je pensais qu'il fallait dévisser des choses, mais non, tout s'est bien passé. Il tire là et paf, paf, il retire le panneau central. Même chose pour le panneau du bas où se cachent les pédales. Et surprise, bon, en voyant l'intérieur, il a fait déjà certaines constatations. Il m'a dit que le piano avait eu un léger dégât d'eau, sans impact, heureusement. Le piano a vécu un épisode de mythes qui ont attaqué les marteaux en laine. Bon, ça semble être un problème de piano. Les mythes pondent des œufs dans le feu des marteaux. Puis quand ils naissent, ben ils brisent, puis ils descendent en brisant ailleurs. Bref, mon piano avait eu un petit épisode de mythe, mais qui était maintenant terminé. Ensuite, ma pédale du milieu, il m'a dit qu'elle n'était pas standard. C'est une pédale comme les pianos à queue pour jouer des choses spéciales. Sur un piano standard, comme chez ma prof, elle m'a dit qu'elle utilise la pédale du milieu pour étouffer le son. C'est comme pour jouer le soir quand le monde dort pour faire moins de bruit. Mais moi, j'ai pas ça sur mon piano. Moi, c'est un piano de concert et il a été doté, comme un piano à queue, d'une pédale de soutien. Yves y appelait ça la pédale sostenuto. On dit la pédale de soutien fut la dernière pédale à être ajoutée. En utilisant cette pédale, le pianiste peut maintenir certaines notes pendant que les autres notes fonctionnent normalement. Bon, en fait, je vous avoue que j'ai aucune idée à quoi ça sert. Je comprends pas encore complètement, là, je suis pas rendu là. C'est pour un niveau qui est quand même très avancé. C'est pour jouer d'autres notes par-dessus d'autres notes qui vibrent encore. Donc, si je m'en rends à utiliser cette pédale de piano, c'est que j'aurai réussi mon apprentissage et que je serai rendu à un niveau avancé. Mais Yves, l'accordeur, qui lui est un virtuose, il a commencé à jouer du piano dans sa dizaine et maintenant il doit avoir, je ne sais pas, 70 ans, disons. Il a voulu me montrer à quoi il servait, car lui, il est capable. Mais comme il m'a dit, il a essayé, là, mais il n'était pas fonctionnel à 100%. Elle fonctionne juste sur certaines portions, mais il me dit « c'est pas grave », il dit « c'est pas urgent de réparer ça ». Bref, c'est toute qu'une histoire accordée à un piano. La première question que Yves il me dit ensuite, il m'a dit il voulait savoir comment j'avais payé ce piano. Bon, là, je lui ai raconté ce que je vous ai raconté. Moi, j'ai payé la moitié du prix du déménagement, donc 300$, ce qui me dit qu'était une bonne nouvelle selon lui, car il ne sait pas trop si je dois investir dans ce piano. Il n'y a pas encore de jugement final sur le piano. Bon, cela, ça me chagrinait un peu au départ, là. Après la première journée où il est venu, je me disais, bon, est-ce que je me suis donné tout ce mal-là pour enfin, pour avoir fait transporter un citron à maison? Mais bon, Yves m'expliquera finalement, à la fin de sa deuxième visite, que ce piano a le défaut de ses qualités. Bon, il est beau, il est vieux, il a de l'histoire, mais il est rendu à ce que lui appelle sa deuxième vie. Bon, la technologie liée au piano, elle, elle n'évolue plus. Bon, Yves a de vieux instruments, rien de technologique quand il accorde le piano, sauf un iPhone qui écoute la fréquence des notes pour lui dire si la note est bonne ou non. J'imagine que c'est ça qui a remplacé le diapason. Mais bon, pour en revenir au piano et sa deuxième vie, il faut parler des cordes. Bon, les cordes du piano sont tendues dans le cadre en fond et sont retenues par des genres de chevilles en acier là, dont je vous parlais tantôt, qui sont insérées dans ce cadre. Puis comme je vous disais, la pression est vraiment forte. Puis avec le temps, pour accorder, Yves, il doit frapper sur la cheville pour la rentrer pour qu'elle reste solide. Au départ, dans le cadre en fond, ils ont prévu une grosseur standard de cheville qui est entrée en frappant dessus. Le trou est juste un peu plus petit que la cheville, donc ça rend serré quand tu frappes. Puis ensuite, Yves, il tourne les chevilles avec un instrument pour accorder. Bon, la corde, elle, est enroulée là-dessus, donc en tournant la cheville, c'est ce qui fait que tu accordes. Puis évidemment, quand tu tournes ça, ça met de la pression sur le cadre qui est en fond. Donc, ce que Yves m'expliquait, c'est qu'il commence à accorder le milieu du piano parce qu'à mesure qu'il tourne, ça met de la pression et ça relâche de la pression un peu plus loin. Donc, plus loin, ça devient lousse. Donc, à mesure que tu accordes à une place, ça désaccorde ailleurs. Donc, tu dois toujours accorder en t'en allant vers le bas. Puis, à un moment donné, ben, il laisse des marges d'erreur pour pouvoir tout accorder. Moi, par exemple, mon do, il pourrait être précis à plus ou moins 5%. Bref, il y a un genre de science que je ne comprends pas encore derrière ça, mais que l'accordeur, lui, maîtrise parfaitement. Puis durant cet accordage, bon, vient un temps où, à force de frapper la cheville dans le cadre, ça finit qu'elle est trop rentrée, puis elle doit être changée pour une plus grosse. Car il ne peut pas remettre la même, car évidemment, le trou avec les années, il a pris la grosseur de la cheville qu'on a insérée au départ. Donc, on peut juste mettre une cheville un peu plus grosse pour qu'elle tienne bien en place. Puis là, Yves, c'est ça qu'il appelle, lui, la deuxième vie du piano quand on est rendu là. Pour l'instant, bon, il a fait un premier accordement de mon piano sans changer les chevilles. Il y avait de la place pour tourner encore, mais bon, mon piano, il approche de ce moment. Je ne me souviens pas de combien, mais il me dit qu'il y a environ une dizaine de ces chevilles-là qui sont en fin de vie puis qui vont devoir être changées. Bon, puis aussi, bon, une autre chose. Mon piano, il y a un mécanisme particulier pour les marteaux. Bon. Il me dit que c'est pas ce qu'il voit le plus souvent. Il m'a montré, bon, je pense que c'est la manière dont tout est couplé pour frapper. Bon, ça cause aucun problème, là, mais dans ce mécanisme, moi, j'ai des ressorts qui sont en fin de vie, parce que quand on pèse là-dessus, ça lance comme un trébuchet, puis il y a des petits ressorts pour ramener le trébuchet sur la note. Puis, il faudrait les remplacer, j'en ai certains qui fonctionnent un peu moins bien. Ça permet d'avoir un meilleur retour sur les touches. Ils reviennent à la bonne place plus facilement. Puis finalement, devant toutes ces réparations qu'il y avait à faire, Yves y a amené tout le mécanisme des marteaux, puis il a amené ça chez lui dans son atelier. Donc tout ce que je vous parle là, qu'il voulait réparer, il est parti avec le morceau dans son auto, puis il est revenu le lendemain chez nous. Mais c'est là qu'il m'a dit qu'il n'avait pas réussi là, à défaire la petite portion de ses ressorts que je vous parlais. Il n'a pas pu les remplacer. Il dit que c'est figé là. Il pense pouvoir les réparer, mais il dit qu'il va falloir qu'il fasse chauffer le mécanisme avec un fer à souder pour les délier. Mais pour l'instant, vu que ce n'était pas urgent, il les a laissés comme ça. Puis il m'a dit évidemment que ce piano-là n'avait pas été accordé depuis très longtemps. Puis c'est pour ça. Vu qu'il n'a pas été entretenu depuis des dizaines d'années, que ce genre de choses-là arrive. Aussi, bon, c'est pas fini, mes marteaux, eux, en feutre, ben c'est standard, là, ce qui frappe sur les notes, et qui donne le beau son, eh bien, encore là, j'ai de quoi qui n'était pas nécessairement standard. Enfin, ça se fait plus, mais Yves, il l'a réparé quand même. Il m'a dit que quand il s'est couché chez lui vendredi soir, il a réfléchi à ça et il s'est relevé pour retourner dans son atelier et il a réussi là, à me tisser quelque chose puis à bricoler quelque chose parce que moi, mes marteaux avaient 4 affaires de feutre puis le standard, maintenant, c'est 3. Donc, il a réussi à m'en retisser, je ne sais pas comment, mais il est revenu le lendemain puis il m'a montré qu'il avait fait 2 nouveaux marteaux à 4 feutres. Et c'est là qu'il m'a avoué qu'il n'aurait jamais pensé devant qu'il allait faire ça avant de mourir. Bref, Yves il a été chez moi environ 5 ou 6 heures en 2 jours, puis il a travaillé un peu dans son atelier, puis le verdict, il m'a dit « on ne sait pas, est-ce que le piano vaut la peine d'être sauvé? » Ben, il m'a dit « on va voir ». Il dit que pour l'important pour l'instant, c'est de voir si le piano il va tenir l'accordement qui a été fait, donc s'il va rester accordé dans le temps. Il a prévu qu'on se rappelle autour des fêtes, puis à ce moment-là, il va revenir vérifier. Mais bon, moi, j'aime déjà ce piano. Yves, il m'a dit même si Yves me dit qu'il y a de meilleurs pianos là, des années 50 ou 60 qui sont à donner sur Internet, je suis quand même tombé en amour avec le mien. Puis, quand il parle de mieux, ben c'est pas nécessairement mieux au niveau du son, mais c'est des pianos qui seraient plus faciles à remettre sur pied que mon piano qui est ancien. Car lui, bon, il peut réparer un peu n'importe quoi, mais il ne voudrait pas que je dépense trop d'argent là-dessus. Donc, c'est là-dessus que se base son jugement là, pour évaluer mon piano. Quand il me l'a dit, il dit « le son de mon piano il est magnifique et incomparable. Mon piano est vraiment bien fait, là, il a plein de qualités, mais il a besoin d'amour. Puis pour l'instant, je dois vivre avec ses petits défauts. Ce sont ces petites choses-là qu'il ne répare pas tout de suite puis qui vont attendre pour voir si on va le sauver ou non. » Bon, par exemple, sur cette note, j'ai remarqué que je dois y aller plus doux ou plus fort. Mais quand Yves, lui, s'est mis à jouer dessus, ben, il s'est automatiquement ajusté aux petits défauts, puis il nous a quand même donné un beau concert. À la fin du concert, je lui ai dit qu'il ne me donnait pas le goût de me débarrasser du piano, là, que j'avais encore plus le goût de le garder. À moins qu'il me dise qu'il ne veut plus le réparer, je pense déjà qu'on va le garder. Moi, avant que Yves passe pour raconter le piano, j'avais pratiqué pour mon 3e puis 4e cours là, avec le piano pas accordé. Je pouvais juste jouer dans le milieu car c'était la seule place là, qui sonnait pas la cacane, mais imaginez maintenant. Avec un piano accordé, là, ça sonne comme du miel dans la bouche. Là. C'est vraiment délicieux à entendre. Il sonne quand même bien partout maintenant. Il est pas comme neuf, mais je l'aime. Puis jouer sur un vrai piano, bon, c'est pas comme jouer sur des pianos électroniques. Oui, bon, ils sont tout petits à transporter, puis ils ne mettraient pas la vie de Mario en danger. Comme le son est fait électroniquement dans ces pianos-là par des petits modules électriques, ben dans les nouveaux pianos, c'est beaucoup moins pesant. Là, il n'y a pas la table en fonte, puis toutes les cordes. Mais quand même, c'est pas pareil. Je suis allé voir dans une boutique de musique, là, Long & McQuaid, là, un vendeur d'instruments pas loin de la maison, et il y avait un démonstrateur là, électronique. Puis il y a une dame qui a joué, puis bon, elle était très bonne, là, mais quand même, ça sonnait pas comme chez moi. Il manquait une certaine résonance. Là. Puis j'ai écouté la différence là, sur Internet, c'est que sur les pianos électriques, évidemment, ça va jouer toujours la bonne note, mais dans un piano acoustique, un vrai là, comme le mien, c'est qu'en jouant la note, par sympathie, les notes à côté vont se mettre à vibrer aussi, donc il va avoir une genre de résonance qui donne un son plus riche. Donc c'est ça la différence là, entre acoustique et électronique. Aussi, le piano. Quand Yves il l'a défait la première journée, là, on a été voir sous les notes pour voir s'il y avait des dégâts, s'il y avait des mètres, puis pour aspirer la poussière. Puis, C'est là que moi j'ai remarqué que chaque bâton de note était numéroté. Donc, ça c'est un autre détail. Tu peux pas mettre un do du bas à la place du do du haut ou du milieu. Non, tout a une place. Chacune des notes, le long bâton, là, il est numéroté au burin, puis chacun à sa place. Parce que, évidemment, là, la longueur est différente. Bref, Yves il a voulu me montrer aussi comment on retirait les notes. Puis en retirant la première note, on a vu une signature sur la première note en bois. Je ne sais pas si tous les constructeurs faisaient ça, mais on a vu, bon, la personne qui avait fait ce piano avait signé son nom. C'est signé 14 octobre 1895 A.F. Puis au burin engravé dans le bois de la note, c'est écrit T. Baker. Donc j'imagine que le set de notes en bois lui a été fait en atelier par M. T. Baker, puis celui qui a monté le piano, c'est le A.F. quelque chose là en 1895. A.F. ça peut être quoi? Adélard Furlong? Non, on pourrait quand même se trouver un vrai nom là, pour notre constructeur. Si je vérifie, les prénoms populaires avant 1900 qui commencent par A ou Québec, il y a Alfred et Arthur. Mais il y en a d'autres aussi, là. Il y a Abélien et Adelvas. Je pense qu'on va s'en choisir un beau. Un que j'aime, ben pourquoi pas Adjutor comme mon arrière-grand-père. Donc, Adjutor F. Pour le nom de famille, allons vérifier ce qu'on importait de bon de la France à ce moment-là. Donc, le plus populaire des roturiers en place numéro 1, c'est Tremblay en haut, mais non, ça c'est le nom le plus populaire, mais ça commence par T. Le premier F qu'on trouve dans les noms de famille au Québec, c'est Fortin. Adjutor Fortin, ça sonne quand même pas beau. Je vais choisir autre chose. Fournier, Fortier, Ferland. Donc, voilà ce que j'ai trouvé. Frigon. Donc, celui qui a assemblé mon piano à l'époque, on peut dire que c'est Adjutor Frigon. Sa famille, on va dire, est arrivée en France, est arrivée de France en 1825. Le petit adjutor a même failli tomber en bas du bateau durant la longue traversée, mais heureusement, sa mère, après avoir vu leur autre fils, Augustin, basculer dans l'océan en se prenant les pieds dans le cordage, avait par la suite quand même gardé un œil sur adjutor et elle l'a sauvé d'une terrible bascule dans l'océan en l'attrapant par le fond de sa salopette à la dernière seconde. Et c'est pour ça qu'à leur arrivée au port de Montréal, Évangeline, sa mère, refusa qu'Adjutor prenne la route des chantiers pour devenir bûcheron. Non, c'est plutôt après son passage comme séminariste au Grand Séminaire de Montréal, d'où il s'échappa avant de recevoir les bontés que voulaient lui prodiguer les prêtres de l'époque, qu'il découvrit le métier de menuisier et de vin, l'un des meilleurs assembleurs de pianos du monde en travaillant à l'atelier Lennon Pratt. Voilà, c'est un peu ça l'histoire imagée d'Adjutor Frigon qui a assemblé mon piano. Et si mon piano était un violon, on pourrait dire que c'est un Stradivarius tellement je trouve, moi, qu'il sonne bien. Et pour vous le prouver, voici le concert que Yves nous a fait. Enfin, Yves y était vraiment sympathique. Ma copine et moi, on a vraiment aimé lui jaser là, tout le temps qu'il était avec nous. Il nous a expliqué plein de choses. Il m'a même demandé de le filmer quand il jouait du blues pour que je puisse le refaire par la suite. J'imagine que c'est sa façon d'essayer d'influencer ma jeune carrière de pianiste. Il a essayé à sa façon de me pousser vers le blues. Il a aussi pris le temps de jouer de mon piano avant Farisa des années 50. Ça, c'est un piano avant avec comme un accordéon intégré que j'avais acheté chez Renaissance pour une trentaine de dollars il y a quelques années et qui finalement va peut-être servir. Mais oui, je suis allé chercher ce piano dans mon sol pour le montrer à Yves, puis il nous a joué un petit air dessus pour nous montrer que ça sonnait quand même bien. Ensuite, il a aussi pris le temps de venir voir mon orgue au garage. Ça, c'est l'orgue que j'avais ramassé pas loin de la maison. C'est un orgue qui était sur le bord de la route. Là. Des gens vidaient la maison d'un parent décédé et ils vendaient 50$ là, si je partais avec immédiatement, ce que j'avais fait. Sur l'orgue, Yves m'a montré une chanson des Doors qui se joue facilement à l'orgue et qui sonne bien. Il m'a fait encore une fois là, le filmer pour que j'arrive à le refaire par la suite. C'est surtout un jeu de pied sur l'orgue. Et ensuite, on ajoute les mains. Bon, pour l'instant, c'est un peu trop avancé pour moi, là, synchroniser deux sets de mains, puis en plus là, un pied qui joue sur un clavier, là, mais un jour, peut-être. Et maintenant, son concert. Bon, Yves joue pas mal tous les styles, c'est beau à entendre. Lui, il a bien fait sonner mon piano. Je lui ai d'ailleurs dit qu'il me donnait plus le goût de garder le piano que de m'en débarrasser. Mais bon, peut-être qu'un jour, je pourrai rajouter à ma collection un piano à queue ou même un de ces nouveaux pianos électriques, même si le son n'est pas pareil. J'y verrais quand même l'avantage de pouvoir brancher toutes les gadgets technologiques dessus pour pouvoir s'enregistrer facilement. Donc, encore plein de possibilités. L'important pour l'instant, je pense, c'est d'apprendre à jouer. Et si j'ai un peu de chance, bien, ce vieux piano, plus que centenaire, va être mon partenaire pour cette première étape. Voilà! Donc, on se laisse avec une partie du concert à laquelle j'ai eu droit à la fin pour vous montrer à quoi ressemble le son du piano. On était tellement enchantés d'entendre le piano jouer comme ça que j'ai donné à Yves un Perrault. C'est les sculptures là, en céramique que je fais et que je cache toujours sur l'île Perrault. Eh bien, je lui ai donné un Superman en lui disant qu'aujourd'hui, c'est lui qui avait été le super-héros pour mon piano. Puis, il était content. Bon, je pense qu'il était ému. Là, il a fait le bruit d'un bisou avec sa bouche en me disant « merci ». Il m'avait même, avant là, que je lui donne le Perrault, il m'avait demandé s'il pouvait revenir avec sa femme pour lui montrer ma collection. Donc, je pense qu'il était content. Donc, voilà, ce piano m'a quand même permis de faire une belle rencontre. Ce monsieur Yves, c'est une belle personne qu'on est heureux d'avoir rencontré ma copine Yvonne. Donc, voilà, sur cette belle note, je vous laisse avec le concert pour vous montrer à quoi ressemble la sonorité de mon piano, ainsi que les conseils que Yves me donnait à ce moment-là. Quand il se met à jouer du blues sur mon piano, on peut juste se dire « ouais, ça sonne bien ». Donc, bonne fin de Lobster, puis on se revoit bientôt. Bye bye. Pour dévisser la flange. Fait que probablement que ça va peut-être éventuellement marcher avec un fer à souder, comme j'ai expliqué. Mais pour le moment, là, j'ai besoin de savoir s'il va tenir accordé. Je sais que j'en ai une coupe dans les extrêmes basses, que même en ayant renfoncé ma cheville au mat, il me reste fait qu'il faudrait que je mette des plus grosses. Okay. Bon, ça, c'est la première affaire. Deuxième affaire, là, vous êtes jeune et enthousiaste. Mais vous avez un instrument qui n'est pas vraiment votre allié pour le moment. OK. Je vous dis ça parce que moi, j'avais commencé le violon. Avec le violon, c'était mon premier, là, tu sais, j'étais tout excité. Fait que je commençais à... Sol, la, si, do, ré, mi, dring! téléphone. J'avais un téléphone sur le fait d'y être. Ça tue. OK. Fait que là, finalement, j'ai fini par faire mettre de l'argent là-dessus. Mais je me suis aperçu que je me battais avec un archer en fiberglass puis un violon qui était indigne. Okay. Fait que j'ai perdu beaucoup de temps. Ça frisait l'acharnement. Autrement dit, c'est comme la roue. Ouais. Il faut que ton partenaire réponde. Ouais. Et autrement, t'es aussi bien de... Fait que c'est ça. Parce que si j'arrive... J'ai appris ça d'une cliente. Elle me laisse seule, elle s'en va refaire son épicerie. Elle dit, ouais, il est un peu achalant d'un autre, mais alors, de toute façon, c'est pas grave, je m'en vais vous donner mon conseil au Bermude dans 2 semaines. Moi, c'est juste pour. OK. Fait que, non. Fait que quand elle vient, elle joue une balade de Brahms écœurante. Quand elle arrive sur le dos fatidique, qui sent pétard, elle fait pétard en montant, puis elle dépétard en descendant. Okay. Dans un millionième de seconde, elle a ajusté son doigt. Fait que j'ai dit, OK, madame, je pense que si j'avais de l'argent, j'irais écouter son concert au Bermude. OK. Mm. Donc, pour pratiquer, c'est bon, mais à long terme, ben, à long terme, terme c'est ça. Ça va être meilleur. J'ai été, ouais. Okay. Sinon, vous faites du jazz, du blues un peu, non? Juste classique? Pour l'instant, il n'y a pas de direction. J'aime toutes les musiques. Fait. Vous avez le jazz est compliqué un peu pour tout de suite. Okay. Blues. Tout ça. Mixolydien, c'est... Si bémol Do. Allez-y. Ouais, c'est ça. Parce que je suis pas éternel. Oui, aussi, j'ai parti innocemment de ça. unique. Vous ne donnez pas le goût de le changer, vous nous donnez le goût de le changer. Non, non, en fait, ça, c'était de la stratégie pour qu'au moins vous me payiez ce que j'ai fait. Oh, ça, c'est ça. Comme ça, si vous m'avez en disant, mais il joue pas ton bon petit piano, ah, ça dépend peut-être du pianiste.